On va parler de la Ligue du Lac au Fleuve. Les séries débutent en fin de semaine. Le multiconcessionnaire de Boumsesnil va recevoir la visite de la Haute-Côte-Nord. Et dans l'autre série, ce sera Jonquière contre Charlevoix. Et pour en parler, on parle avec l'instructeur associé du multiconcessionnaire de Boumsesnil, Sylvain Bonneau. Salut Sylvain! Oui, ça va bien, ça va bien. Sylvain, si on parle un peu d'abord, avant de parler de la série, de la saison, comment est-ce que c'était l'an 1 de la Ligue du Lac au Fleuve à Dolbeau-Moussissini, comment on a vécu ça? Ben moi, nous autres, au niveau de l'équipe, on a trouvé que c'était une très belle saison. Mm. On avait un peu, on était dans une partie qu'on savait pas trop. Est-ce que les joueurs allaient. La réaction des joueurs, l'intensité puis la disponibilité des joueurs. Okay. On était agréablement surpris par nos joueurs. Ils ont été très professionnels dans ce qu'ils ont accompli. Puis on leur lève le chapeau. C'est quand même ceux autres, le crédit de la saison le revient. OK. Okay. Nous autres, on les appuie là-dedans puis on travaille avec eux autres. OK. Dis-moi, du côté de la disponibilité, c'est souvent un problème dans la Ligue senior. De ce côté-là, ça a bien été aussi? Ça a super bien été? Oui, on a un petit creux un petit peu avant les fêtes et après les fêtes. OK. Ce qui est quand même normal. C'est tous des messieurs qui ont des familles. C'est des adultes. Oui. On a du travail. Puis, on comprend ça. Des fois, on s'est quand même présenté deux fois à court de joueurs, mais ceux qui ont décidé d'être là et qui pouvaient être là ont très, très bien travaillé et ont fait tout pour essayer d'aller chercher les matchs. C'était l'objectif. On n'a jamais changé d'objectif. C'est d'avoir un produit, une équipe qui était capable de compétitionner à tous les matchs. Puis on a essayé du mieux qu'on pouvait d'avoir ce produit-là sur la patinoire. OK. Si on parlait un peu du côté sur la glace, deuxième position, c'est sûr qu'on ne sait pas. Ça devait être assez compliqué aussi pour l'organisation de savoir un peu, compte tenu que c'était l'an 1, là. Donc, c'était une feuille blanche partout, là. Mais sûrement qu'une deuxième position, on est quand même content. Oui, on est très satisfait. C'est sûr qu'on a un petit passage à vide en fin de saison. On était présentement en train de replacer des choses. Mais faut quand même penser que la première place tient à Charlevoix. Charlevoix, c'est une équipe qui est quand même aguerrie dans le senior. C'est une équipe que ça faisait peut-être 3 ou 4 ans qu'il n'y avait pas eu de senior. Mais les joueurs qui sont présentement là, ça fait quand même 10 années qu'ils jouent ensemble. Fait qu'il y avait déjà un gros noyau déjà qui existait. Pour nous autres, Robert Val, ça fait une dizaine d'années que ça n'existe plus, le senior dans notre secteur. Fait que là, on est allé chercher des nouveaux joueurs. Et on est très, très surpris et très agréablement surpris de la réaction puis de la qualité des joueurs qui sont là. On sait que dans notre secteur, les joueurs sont de très bonne qualité, mais est-ce qu'ils étaient disponibles? On a la preuve avec une deuxième position, puis c'est pas... C'est pas de grosses différences. Là. Mmh. 6 points de classement. Là, okay. C'est pas si pire que ça. Il y a eu un petit passage à vide en deuxième moitié de saison. Comment tu expliques ça? Ben, c'est. Souvent le motivé. Ça un peu avec la normalité. Ouais, okay. Normalité aussi. Parce qu'il faut quand même passer avec. C'est surtout notre début de saison qui était extrêmement bon. Les équipes ne connaissaient pas, ne savaient pas notre rapidité, ne connaissaient pas trop notre système de jeu, comment on allait jouer, comment que nos joueurs réagissaient. Puis on les a, sans les surprendre, on exploitait notre rapidité puis notre talent offensif. Okay, okay. Les autres se sont plus placés. Ils ont vu c'est quoi. On avait des lacunes. On les a corrigées. C'est pour ça que présentement, pour entrer dans les séries, on ne rentre pas à tête baissée, on sait qu'on est. On sait où est-ce qu'on va. On connaît nos faiblesses et nos erreurs. On a travaillé là-dessus. Puis on est prêt à partir pour les séries. Okay. Avec la gang. Puis, comment tu vois ces séries-là entre Dolbeau et la Haute-Côte-Nord? D'abord, en saison, comment ça a été les deux formations? ça a fini 4-2 d'un victoire pour nous autres. Ils nous ont battu une fois chez nous. OK. Puis on les a, et nous autres, on, ils nous ont battu une fois chez eux. Fait qu'on a tout le temps gagné. C'est tout le temps 2-1 dans, chez nous puis à l'extérieur. C'est une équipe qui a une bonne offensive. Ils ont deux lignes qui peuvent faire mal. À peu près toutes les équipes dans la ligue ont quand même une offensive à deux bonnes lignes. C'est la profondeur que nous autres, on a de plus. On est capable, on a de meilleures défensives. Okay. Quand nos blessés reviennent, okay. Ça veut dire qu'on est capable de se placer, de bien se positionner. Puis ça va être ça, non? T'as un roster de. T'as un alignement de combien de joueurs? Une quarantaine de joueurs sur l'équipe? Présentement. Ouais, qui peuvent jouer, là? Présentement, j'ai 28 joueurs qui sont admissibles. OK. Parce qu'il faudrait qu'ils jouent au minimum 5 matchs. OK. J'ai 28 ou 30 joueurs admissibles aux séries. Et les 28 vont participer parce que on change pas l'aspect du senior. Que les joueurs, ils travaillent sur des chiffres. Des fois, ils sont disponibles une fin de semaine sur deux. Mmh. Les 28 joueurs vont être appelés à être dans l'alignement tôt ou tard. C'est important d'avoir quand même une bonne alignement. C'est quand même important d'avoir un alignement et de la profondeur, surtout dans les séries. Là, ça ne joue pas pareil de toute façon. L'avantage de la glace, ouais. Tu es en train de me compter 2-1, donc l'avantage de la glace a été quelque chose qui a été vraiment là, qui est bénéfique dans cette série-là. Là. Oui, mais pas plus que ça. Parce qu'on est à l'aise ailleurs. Okay. On a gagné à Forêt. On a gagné à Haute-Côte-Nord. On a gagné à Jonquière toute l'année. On a même gagné à deux matchs à Charlevoix. Fait qu'on n'est pas, on ne sent pas mal ailleurs. On est très à l'aise. Puis c'est nous autres qui décident. Okay. Du rythme de la partie. C'est à nous autres à faire nos propres travails. Puis à partir de là, aucun problème avec ça. OK. Ben, Sylvain Bonneau, on va te souhaiter la meilleure des chances pour les séries. Ça commence samedi au complexe sportif du secteur de Dolbeau, c'est ça? Par la suite, c'est quoi? C'est les deux premiers matchs? Comment ça fonctionne? Les deux premiers matchs à Dolbeau ou c'est on inverse, on marche en alternance? On va faire les deux premiers matchs samedi à 19h30 à Dolbeau. Okay. Dimanche à 13h30 à Dolbeau. Okay. Et l'autre fin de semaine, le 24-25, on va être en Haute-Côte-Nord. Et s'il y a besoin d'un cinquième match, ça va être le vendredi, je crois, le 30. Okay. Et le samedi, 31 et 1er avril, ça va revenir chez nous. Ça va, ça se trouve être un 4-7, c'est ça? Ça se trouve être un 4-7. C'est un 4-7, oui. Okay. Ça nous prend l'appui de nos partisans parce que faut mettre de l'ambiance dans Baptiste. Puis nous autres, on va mettre l'ambiance. C'est nous autres qui va remettre. Dis-moi, Sylvain, le complexe sportif ferme le 15 avril en principe. La série, si jamais vous allez en finale, comment ça va fonctionner? Bien là, on a des travails déjà d'établi, on a des communications faites un petit peu ailleurs dans le secteur, mais on ne sait pas encore. Il n'y a rien de réglé. Peut-être que l'aréna de Dolbeau va nous accommoder. On ne sait pas encore. On va se rendre là, on va le savoir, mais qu'on se rende plus loin. OK. Ben c'est vraiment un gros merci. On espère s'en parler durant les séries éliminatoires. C'est bien gentil, puis j'espère qu'on va avoir beaucoup de monde pour nous encourager, puis on va donner le rendement qu'on devrait pour les séries. Okay. On va jusqu'au bout. L'instructeur associé du multiconcessionnaire Sylvain Bonneau.